Cette histoire fait partie de la littérature monastique des premiers siècles de l'Église, sur les édifiantes actions des pères, au 5e siècle. À cette époque, les moines quittent le siècle, c'est-à-dire le monde, pour trouver le repos en Dieu, par le rude chemin de l'ascèse, la tranquillité d'âme au désert, à l'exemple de saint Marc. Voici ce que rapporta Jean Moschus, supérieur d'un couvent qu'on appelait le monastère des géants, quand il vint à Théopole, Antioche. Il y a quelque temps, un jeune homme vint à moi et dit dans de profonds soupirs et versant des larmes. « Mon père, je vous supplie au nom de Dieu de me recevoir, car je désire faire pénitence. » Le voyant si affligé et repentant, je lui répondis. Déclarez tout franchement sans m'en rien dissimuler. Quelle est la cause qui produit en vous une si grande douleur? J'espère que Dieu vous assistera, comme il est tout-puissant. Vous voyez devant vous un très grand pécheur. Sachez qu'il y a un très grand nombre de plaies, et autant une grande quantité de remèdes. C'est pourquoi si vous désirez guérir, dites-moi sincèrement quels sont les vôtres, que j'y apporte des remèdes qui leur soient propres. Car on traite diversement les maladies de l'âme, ainsi qu'on fait pour les maladies du corps. On ne traitera pas un impudique de la même manière qu'un meurtrier, ni un avare d'un menteur, ni un homme colérique d'un voleur et d'un adultère, ainsi que les autres vices. À ces paroles, ce jeune homme soupira profondément en mêlant ses sanglots aux larmes. Il se frappa l'estomac dans la confusion, accablé de tristesse, tombant en défaillance, sans force de parler. Voyant que son affliction le réduisait au désespoir, et ne lui permettait de parler du mal qu'il avait fait, ni des peines qu'il avait endurées ou la misère où il se trouvait, je lui dis, « Mon fils, faites-vous peu violence. Rapportez-moi par quel malheur vous êtes tombé, car notre Seigneur peut vous secourir. Lui qui par sa clémence et sa miséricorde infinie a souffert pour notre salut tout mal inimaginable, lui qui a conversé avec les publicains, qui n'a pas rejeté les prières d'une courtisane, qui a exaucé les vœux d'un voleur, et qui a été nommé l'ami des pécheurs. Sans doute vous recevra-t-il dans ses bras avec joie quand il verra que vous êtes pénitent et converti. Car il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive par sa conversion. » Le pauvre homme fit un effort en modérant un peu ses larmes et ses soupirs, et me dit, « Mon père, mes crimes sont tels que je ne suis pas digne de regarder le ciel, ni de marcher sur terre. Il y a tantôt 3 jours que j'ai appris la mort de la fille d'un des principaux de la ville, qu'on l'avait enterrée hors de la ville revêtue de quantité d'habits fort précieux. L'habitude que j'avais à faire le mal me poussa à entrer de nuit dans son sépulcre. Je la laissais aussi nue que quand elle vint au monde, l'ayant entièrement dépouillée sans même lui laisser sa chemise. Mais quand je voulus sortir, elle se leva, et de sa main gauche me prit ma main droite. Et elle me dit, « Ô plus méchant et plus scélérat des hommes, comment as-tu eu l'audace de me mettre ainsi toute nue? Si la damnation éternelle du jugement de Dieu ne peut te donner crainte, ne devais-tu pas au moins avoir pitié de moi après ma mort? Et faisant confession d'être chrétien, n'as-tu pas eu honte de laisser ainsi une chrétienne nue? N'as-tu pas respecté ma féminité? Cette féminité auquel tu dois vie, n'as-tu pas craint d'outrager aussi ta mère? Misérable. Plus misérable qu'on ne saurait dire. Lorsqu'il te faudra comparaître devant l'effrayant tribunal de Jésus-Christ, quelle raison pourras-tu lui dire du crime que tu viens de commettre contre moi? Aucune personne de l'extérieur n'a vu mon visage durant ma vie. Et toi après ma mort tu es entré dans mon sépulcre pour me dépouiller, et tu as regardé mon corps. Le spectacle de ces paroles me remplit d'une grande terreur. Je fus saisi de peur et de tremblement et lui dis avec peine. Laissez-moi aller et je ne ferai plus rien de pareil de ma vie. Il n'en sera pas ainsi. Tu entres dans mon sépulcre comme tu veux. Tu n'en sortiras pas comme tu veux, dit-elle, il sera commun à tous deux. Ne t'imagine pas y mourir alors même. Tu y seras tourmenté pendant plusieurs jours, puis, misérable malheureux, tu rendras ton âme que tu n'as pas craint de perdre par un péché si détestable. Redoublant mes instances en les joignant de larmes, afin qu'elle me laisse aller, je la conjurai par le Dieu Tout-Puissant d'avoir pitié de moi, et je lui promis avec serment qu'il ne m'arriverait plus jamais de tomber dans de telles fautes. Se laissant fléchir par tant de prières, tant de larmes, et de soupirs, elle me dit, « Si tu veux sauver ta vie en te libérant d'un tel mal, promets-moi que si je te laisse aller, tu renonceras aussi au siècle, et non seulement, que tu deviendras dès à présent un solitaire pour servir Jésus-Christ et faire pénitence de tes crimes. Je promets, par le Dieu à qui je dois rendre mon âme, d'accomplir non seulement ce que vous venez de m'ordonner, mais d'aller tout de ce pas dans un monastère sans entrer dans ma maison. Revêtez-moi comme j'étais, dit-elle. » Ce qu'ayant fait, elle reprit l'état comme elle était auparavant, et retourna dans son repos. À la fin de son récit, je l'exhortai à garder courage et à endosser continence et pénitence, et disant « Des semblables vous arrivera, et encore pis si vous ne faites pas pénitence des sales impudicités que vous avez faites, et que vous avez fait faire à vos complices. Quand vous serez dans l'autre monde, toutes les filles que vous avez déshonorées, toutes les femmes que vous avez débauchées, et tous ceux qui sont perdus par les mauvaises pensées causées par vos flatteries, se lèveront contre vous et demanderont justice à Dieu. Ils exerceront sur vous juste vengeance, vous maudissant et vous faisant des reproches, vous déchirant et vous tourmentant durant toute l'étendue des siècles. Je lui donnai un habit de solitaire, lui coupai les cheveux, puis l'enfermait dans une caverne sous la montagne où il rend des actions de grâce, et combat avec profusion pour le salut de son âme. Une vierge très pure et très dévote étant morte, ses parents, pour la mettre au tombeau, l'habillèrent de robes précieuses, comme s'ils eussent voulu l'envoyer à des noces. Car en effet, le jour de sa mort fut le jour de ses noces, puisqu'elle allait accomplir dans le ciel le mariage qu'elle avait commencé sur terre, avec le Fils de Dieu.